dédicacée à ma fille Marie-Océane. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remerciais déjà le père. Mais comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant, car tu es mon enfant. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remerciais déjà le père. Mais comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant, car tu es mon enfant. 6 juillet 98, tu as pris vie. Aujourd'hui, tes parents, toi, tu sont au paradis. Même si Andrea un jour a donné sa vie, c'était le plus beau jour de nos vies. Alors j'ai remercié Almighty car devenait papa ce jour. Si on a vécu, vois-tu un an en harmonie. Avant que des vampires explosent ce bonheur. Ici jaloux de notre bonheur, oui moi je te le dis. Alors ça a pété ainsi, pardonne-moi je t'en prie. Papa a pris tes conneries pour survivre dans la vie. Pardonne-moi je t'en prie car on s'est séparé ainsi. Je t'ai fait pleurer dans ta vie mais je voulais te voir heureuse ici. Je voulais te voir heureuse ici, mon enfant, oh oui. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remerciais déjà le père. Lis comme l'océan car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant car tu es mon enfant. Car tu es mon enfant, sache-le dans le temps. Séparé de toi, pas mendier, gardé pour un toit. Car dehors il faisait froid, alors je balançais mes doigts sur ce petit manche en bois quand mes amis n'avaient plus de toit pour manger, vois-tu, à ma foi. Alors le destin a changé maintenant, tout simplement en retournant voir un jour ma maman. Parce que papa a fait picoler, il s'est laissé aller à rencontrer une femme qui allait le faire avancer. Qui de nouveau entraînera la guerre au quartier. Car je prenais vois-tu une femme qui allait se marier. Mais elle me donnera une sœur 7 ans dans le passé. Jalousie et conflit alors nous ont séparés de nouveau dans la vie. Mais ce sont que des erreurs de parents, oui je te le dis. Mais sache ma fille, ma chérie, que je t'aime, oh oui. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remerciais déjà le père. Lis comme l'océan car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant car tu es mon enfant. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remerciais déjà le père. Lis comme l'océan car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant car tu es mon enfant. Alors je me suis battu car je ne te voyais plus. Ta sœur est venue mais la guerre ne s'atténue. Séparé de nouveau, j'ai redressé mon dos. Alloué le plus haut mais le temps fait réagir que tes parents. Qu'il fallait maintenant, vois-tu, aller de l'avant. Sèche tes larmes, oui mon enfant. On se retrouvera dans le temps. Oh oui. Car tu viendras perdre ta mère. Alors vas-tu, j'assumerai mon rôle de père. Celui qui t'a mis un jour sur cette terre. Pour lâcher jadé tous mes gants de terre. Même si parfois éclate la colère. Sache que tu peux compter sur ton père. Car tu es la chair de ma chair. Protégé du prénom de la mère de ton père. Je remerciais déjà le père. Lis comme l'océan car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant car tu es mon enfant. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remerciais déjà le père. Lis comme l'océan car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant car tu es mon enfant. Car tu es mon enfant, je t'aimerai tout le temps.